La mer, c'est toi. J'avais oublié. La mer, c'est toi. Le désir de la toucher, de m'y baigner à noyau, c'est toi. Le désir et la peur, le désir du proche, la peur de l'estompe. Comment le croire? L'estompe. Le marin n'a jamais vu l'estompe. Des sirènes prêtes à engloutir par amour. Les gens qui vivent au creux de la mer glissent, jouent avec elle. Je ne suis pas marin. Si je mens, je n'en veux pas. Mais la peur, face à la mer, elle se transforme en gerbe.